Thank you. arrête si t'aimes pas. Pour toi Philippe, écoute. ça demande beaucoup d'efforts. Surtout à tourner un potentiomètre. Je regarde le batteur et je trouve un batteur. Batteur, écoute. Thank you. Thank you. Thank you. forcément, René. Yeah. C'est la basse.